Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, ça y est, ça marche, enfin, c'est Thierry Gallet et c'est la saga des Fun Four, numéro 645. Nous sommes le 3 septembre 2025, on démarre la 42e année, l'air de rien, avec l'album Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. On écoutera Reception, Getting Closer, We Are Open Tonight. On écoutera également Spin It On, Old Science, Yura Cage, parce que ça me fait plaisir. Il y aura So Glad to See You Here, évidemment, Baby's Request, et peut-être un ou d'autres de plus, je ne sais plus. Il y aura également du Lennon avec God, il y aura George Harrison avec Isn't It a Pity, Ringo Starr avec Bye Bye Blackbird, et puis l'actualité oblige, c'est bientôt la sortie, la ressortie, ou plutôt la sortie 25 ans après en remasterisé de l'anthologie Beatles. Je vous proposerai d'écouter tous les Beatles en version anthologie. On commencera par Can't Buy Me Love. Voilà. Pour le reste, eh bien, vous verrez bien. Je vous propose de commencer tout de suite, parce qu'on n'est pas tout à fait en avance, avec la chanson, enfin plutôt, on remet les aiguilles là où il faut. Ça tombe drôlement bien d'ailleurs. Voici Reception. Allez, tout le monde sur 90.7. Enfin, c'est le retour. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently been doing something. va arrêter là parce que sinon on serait capable d'écouter l'intégralité du disque. Cet album Back to the Egg, c'est le septième et dernier album studio du groupe Wings, alias Paul McCartney. Parce que j'ai l'habitude de prétendre dire, prétendre avouer et prétendre être sûr que si les Beatles étaient composés de quatre entités, les Wings sont composés principalement de Paul McCartney, aussi de sa femme, de Denny Lane, d'accord, mais les autres peuvent s'interchanger, ça ne change pas grand-chose. Et surtout, le patron, c'est Paul McCartney. Bon, il montre une nouvelle formation du groupe, puisque le trio de l'album précédent, formé par le couple McCartney-Denny Lane, est rejoint par Lawrence Schuber et Steve Hawley. Face à la vague punk, Paul McCartney répond avec un album de rock vivant dans la veine de Helter Skelter et offre également quelques ballades. Revers de la médaille, l'album comprend peu de chansons restées célèbres et les singles qui l'accompagnent se vendent mal, hélas. L'album sort à la fin des années 70, une époque où le punk rock fait des ravages et relègue le groupe de McCartney dans la catégorie des dinosaures du rock. Le trio, formé par McCartney, sa femme et Denny Lane, est renforcé, donc je l'ai dit, par Lawrence Joubert et Steve Hawley pour enregistrer un album de rock dur, notamment Old Siam Sir. Il n'avait jamais fait aussi dur depuis très très longtemps. McCartney invite aussi une vingtaine de musiciens de rock de renom, tels que Pete Townshend des Who, John Bonham et John Paul Jones de Led Zeppelin, David Gilmour de Pink Floyd, à faire partie de son rockestra avec lequel il enregistre l'instrumental Rockestra Theme, vous connaissez, vous l'écoutez en chaque début d'émission et chaque fin d'émission, et surtout l'excellent So Glad to See You Here. On y retrouve aussi The Broadcast, une pièce instrumentale, ou expérimentale je voulais dire, où une mélodie jouée au piano et orchestre accompagne la lecture d'un titre tiré du livre The Little Man de John Galsworthy, élu par Harold Margary, propriétaire du château Limpton dans le Kent, datant du XIIe siècle, dans lequel le groupe travaillait. Voilà, bien que Goodnight Tonight, sorti rock disco, sorti seulement en single en mars 79, connaisse un succès public, il n'est pas inclus dans l'album Back to the Egg et lui, cet album-là ne fait pas l'unanimité. Même si avec le temps, j'espère qu'il retrouvera sa place de masterpiece, comme je dis souvent. Si la critique est mitigée, l'accueil public se ressent au point de vue des ventes, se classant à une modeste 6e place au Royaume-Uni et 8e aux États-Unis. Et oui, pour Paul McCartney, 6e, 8e, c'est pas grand-chose. Il s'en sera vendu à cette époque-là 3 500 000 exemplaires. Je pense que beaucoup aimeraient faire ça, mais pour un Paul McCartney, c'est pas énorme, énorme. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, voici la signature finale de John Lennon en 1970 pour dire « Les Beatles, c'est terminé, c'est God sur RG ». We measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure. Bible. in me. Le seul John Lennon à dire la fin des Beatles, puisque George Harrison, en 1970, avait préparé une chanson qui aurait dû sortir du temps des Beatles, parce qu'elle parlait des problèmes des Beatles. Ça marque aussi la fin des Beatles. All Things Must Pass, c'est l'album qu'il sortira à la surprise de tous, puisque la chanson, plutôt l'album, va se montrer au-dessus de ce qu'ont fait les autres. Et la chanson que je vous propose, justement, c'est Isn't It a Pity? Est-ce que ça ne fait pas pitié? Et il dit, est-ce que ça ne fait pas pitié de... Oh, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots ce soir, je suis un petit peu dans le trac de la première émission, je pense. Enfin, de faire mal aux autres et de pas regarder devant toi, quoi, de pas faire le bien. Voilà, en gros, ce que dit cette chanson, et qui est une très très belle chanson, qu'on écoute dans sa version remix 2020. George Harrison sur RIG. Isn't it a pity? Now isn't it a shame? How we break each other's heart. Each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back. Isn't it a pity? Things take so long, but how do I explain? That not too many people can see we're all the same, and because of all the can't hope to see the beauty that surrounds them. costard, vous allez me dire. Il ne sera pas en reste, puisque dans l'année 1970, il va faire deux albums. L'album Sometime in Sentimental Journey et l'album Bookups of Blues, pour lui, deux albums la même année. Mais il participera également à cet album-là que nous venons d'entendre, l'album All Things Must Pass de George Harrison. Il participera aussi à l'album Imagine, bon, en 71, d'accord, mais quand même, il n'arrête pas. Il est franchement à fond la caisse en 1970, et c'est tant mieux. Et je vous l'ai dit à chaque fois, parce que ça me sidère, évidemment, j'ai pas connu ça, je n'avais que 6 ans en 1970. Ça a dû être terrible pour ceux qui ont vécu ça. D'abord, la séparation des Beatles. Ensuite, en 70, il y a eu les Tit Bits, ils l'ont acheté. Mais il y a eu deux albums de Ringo Starr, ils les ont achetés. Un album de Paul McCartney, un album de John Lennon et un triple album de George Harrison. Ça a dû faire chauffer le portefeuille. Bye bye Blackbird. C'est Ringo sur Sentimental Journey et sur RIG. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye bye Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Il y a trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos 4 amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, beatlesmagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Money, the money can buy me love. Voilà l'intérêt des anthologies. Pouvoir écouter une version de travail d'une chanson que tout le monde connaît après, par les Beatles. Ils se cherchent, ils disent, tiens, est-ce que si on dit Just Can't Buy, est-ce que ça va? Oh, on va l'enlever, ça. Et puis voilà, un truc comme ça. Quelquefois, les paroles sont pas toujours toutes là. Bref, ou allez, on se marre. Vous allez entendre ça au cours de l'émission. Il y a eu des moments plutôt sympas. On revient à l'album de la semaine. Le morceau le plus hargneux depuis Helter Skelter, c'est Spirit On sur RIG. Punk rock. He told me to tell you that cet extrait des mêmes sessions de l'album Back to the Egg, mais ça ne figure pas sur l'album. Peut-être que s'il fait un coffret, s'il te plaît Paul, s'il te plaît, un coffret Back to the Egg, eh bien on entendra cette chanson Cage, peut-être remaniée, parce que là c'est une version du grenier, on va dire, hein, quelque chose comme ça. Bon, les anthologies, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que tous les albums, toutes les chansons Beatles de cette soirée seront issues des anthologies. Elles ressortent 25 ans après en remasterisé et avec une petite particularité. Alors j'ai pas eu le temps de le faire pour ce soir, surtout que je préfère attendre vraiment que l'album soit sorti pour entendre les nouvelles versions de Free as a Bird et de Real Love qui seront mises à niveau par rapport à Now and Then. Donc on va se faire plaisir ce soir, on va réécouter Free as a Bird puis Real Love dans la version qu'on a connue nous entre 95 et 96. petit avantage d'avoir Internet dans cette radio. D'abord, c'est de vous avoir, vous, beaucoup plus loin que Bordeaux. Ça, c'est drôlement intéressant, c'est drôlement bien. Et je suis très, très content de savoir que vous êtes en Belgique, vous êtes sur Paris, en Bretagne, en Corse, au Japon, puisqu'il y a Fuji, je ne sais plus comment, qui écoute aussi. Aux États-Unis, il y en a qui écoutent. Et en Angleterre, pour Lovely Rita, merci à vous toutes et tous. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir vous faire écouter les albums que j'aime, les chansons que j'aime, les Beatles, chaque semaine, entre 20h et 22h sur RIG. Ensuite, ce qui est intéressant sur Internet est d'avoir un groupe comme le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. C'est que Laurent me fait un petit signe en me disant Thierry, 1995, c'était pas il y a 25 ans, c'était il y a 30 ans. Et oui, le temps passe vite et puis j'étais nul en maths. Non, mais c'est un petit lapsus pas volontaire, j'ai voulu me rajeunir de 5 ans. Et donc oui, là, ça s'est ressorti 30 ans après avec Free as a Bird et Real Love. Et alors, pour ces deux titres-là notamment, je vous propose de faire exactement comme on a fait pour l'album Let It Be que on a connu en 1970 et Let It Be Naked qui est sorti plus tard. Oui, le Free as a Bird et le Real Love de 1995 et 1996 sont ceux que l'histoire retiendra. Ce sont ceux qui sont sortis à ce moment-là avec les émotions qui se sont collées avec. Et lorsque on va prendre la nouvelle version, la voix sera plus claire, sera mieux, comme si c'était vraiment quelque chose de fait aujourd'hui. Et ce sera bien aussi, comme Let It Be Naked que j'ai trouvé bien aussi, un petit plaisir pour les fans. Et c'est bien d'avoir des petits plaisirs dans la vie. Donc je suis sûr que j'aimerais les deux versions, avec peut-être un petit plus pour le Free as a Bird de 95, parce que c'est la version qui m'a fait pleurer à l'époque. Parce que j'entendais pour la première fois, enfin, la voix de Paul McCartney se glisser sous celle de John pour faire ses si belles harmonies vocales. Nous en sommes à l'album qui va sortir là sous peu, le Power to the People Live at the 1+1 Concert en 1972. C'est remixé et c'est un très très bon son. Je vous propose d'écouter John Lennon en live chanter Come Together sur la RIG. We go back in the past just once. On revient dans le passé juste une fois. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. tell me that you've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You sing seven wonders and your bird can scream, but you don't get me. You can't see me. When your prizes start to weigh down, look in my direction, I'll be round, I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me. Your bike is broken, will it bring you down? You may be a woman, I'll be round, I'll be round. Tell me that you've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. Allez, un peu de sérieux, monsieur dame. On se rassemble et on en sort une bonne. Extrait de l'album Back to the Egg en 1979. Voici Old Siam Sir. Montez le son. Vous êtes sur RIG. C'est la saga des Fab Four numéro 645. We'll be right back. George Harrison prouvait qu'il était capable d'aller aussi loin que Paul McCartney et George Harrison et John Lennon au niveau des bonnes compositions Give Me Love, Give Me Peace on Earth, extrait de l'album Living in a Material World. Gardez bien cette chanson en tête, on la réécoutera dans pas très très longtemps, mais chantée par quelqu'un d'autre. And a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, drinking her wine, biding my time. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. On se cherche. La version travail, une des versions travail de cette chanson-là, qui s'appelle Norwegian Wood, par John Lennon et les Beatles. Je vous l'ai dit, la version d'époque 1996, Real Love sur RIG. Bientôt, une version remixée. Yes, not bad, that one. No. Mr. Moonlight. Sur RIG 90.7, c'est la saga des Vapeurs numéro 645, la saga de la rentrée. Et l'album de la semaine, c'est l'album Back to the Egg, qui j'espère un jour sortira en coffret spécial avec des tas d'inédits, avec un son remixé, avec du bonheur, j'en suis sûr, parce que cet album-là, Back to the Egg, mériterait de retrouver sa place normale de chef-d'œuvre. Voici To You sur RIG, extrait de cet album-là. Thank you. arrivons dans les temps à la cover. Une chanson chantée par quelqu'un que vous connaissez ou pas, peut-être vous aussi, pourquoi pas, si vous me proposez un titre bien fait. Mais c'est surtout une chanson chantée par Paul, John, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Là, c'est un pote, un vrai pote. Un des gars qui aura eu l'autorisation en 1968 de casser l'habitude des Beatles, l'habitude qui était de seulement nous les quatre Beatles dans le studio, non. Lui, il sera invité par George Harrison à mêler son solo de guitare sur While My Guitar Gently Weeps. Il s'agit de Eric Clapton qui, sur un nouvel album, vient nous chanter une chanson sur l'album To Save a Child, An Ultimate Live Concert, sorti en 2024. Donc c'est nouveau, ça sort juste maintenant. Give Me Love, Give Me Peace on Earth, avec, pour particularité, un certain Danny Harrison avec lui sur scène. Voici sa version de Give Me Love, Give Me Peace on Earth. I'd like to invite a friend of mine, Mr. Danny Harrison, to join me on this one. Je voudrais inviter un pote à moi, Monsieur Danny Harrison, qui va se joindre à moi sur ce morceau. Donnaient jamais leur meilleure chanson à Ringo, mais ils ne lui réservaient pas non plus les pires. Néanmoins, If You've Got Trouble est probablement la plus mauvaise chanson qu'ils aient jamais été, aient jamais été censé chanter. Ringo, je parle. La mélodie n'est pas inspirée et les paroles sont ridicules. Il est difficile de croire que l'équipe qui venait de composer Ticket to Ride ou You've Got to Hide Your Love Away ait pu pondre cela. Enregistrée en une seule prise, elle donne également l'impression d'avoir été composée d'un trait. Le thème de la chanson peut se résumer ainsi. Si vous croyez que vous avez des problèmes, vous devriez voir les miens. Le côté vitriol du morceau est probablement dû à John. Il avait peut-être voulu lancer une pique à Cynthia, lui suggérant d'arrêter de se plaindre de lui en tant que mari et père et de se montrer reconnaissante du luxe que lui apportait la célébrité et la réussite des Beatles. Une interview accordée cette même année à Al Aronowitz pour le Saturday Evening Post suggère ce contexte. Leurs amis disent qu'elle, Cynthia, avait été fascinée par John lors de leur première rencontre et qu'elle l'est toujours. Mais elle doute, elle a peur de rester sur le bord du chemin. D'autant qu'elle ne suit généralement pas les Beatles en tournée. En tout cas, elle ne craint pas de dépenser l'argent que je gagne, dit John. Elle avait raison sur l'idée de rester sur le bord du chemin. Elle était un petit peu visionnaire sur ce coup-là. C'est là. your feet. My feelings call to you now, dear one, I love you. You hear my spirit sing to you. You see creation at your feet. You feel my feelings calling you. You know. Bon George Harrison en 1976 sur l'album 33 and One Third. Faut pas avoir une dent en moins devant, sinon ça passe pas au niveau de la prononciation. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour Eric, qui est derrière moi. Non, il est plus derrière moi, il est devant moi maintenant, qui va faire son émission tout à l'heure de rentrée, l'émission Johnny de A à Z. Et cette émission va être géniale pour deux raisons. Parce que c'est une émission de rentrée et parce que il a invité un pote qui s'appelle Eddie Mitchell. Take four. Yeah, you bet. One, two. I wake up calling your name, but it's still not the same as having you right here with me. Go away for only a day. You know that I'll still love you. There is nothing better than to love you. When you're near, the way is clear. I love you. like that, willing to share everything I can with you. And when you're by my side, I've no reason to hide. I dream all my dreams about you. Je pense que certains vont se dire, mais on n'a jamais entendu cette chanson Wake Up. Oui, c'est normal, c'est un bonus sur l'album Stop and Smell the Roses que je ne connaissais pas moi-même avant la semaine dernière parce que sur iTunes, disons-le, c'est là que sur cette par ce biais que je me fournis les chansons, quelquefois ils ressortent un album sans me le dire et ils rajoutent une ou deux chansons à la fin. Alors il faut que je regarde régulièrement, que je pense à regarder, voir s'ils ne m'auraient pas rajouté des chansons que j'achète pour les rajouter moi à mes chansons que j'ai déjà. Voilà. Et je voulais l'écouter en même temps que vous. Oh, ça, c'est... Ouais, c'est pas mal. Mais si ça figure pas sur l'album, il y a peut-être une raison. Ah, celle-là, je l'aime bien. So glad to see you here sur l'album Back to the Egg. Rigalet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. Versions travail sur RG puisque c'est le thème des versions Beatles ce soir. On va se dépêcher parce que un seul quart d'heure d'émission et après ce sera Eric et Johnny de A à Z. 1973, George Harrison lui a donné un sacré coup de main sur cette chanson-là. Photograph, c'est Ringo Starr sur RG.

I can't forget. Encore deux chansons pour la route et après on s'en va. J'aime bien cette version de Tomorrow Never Knows, cette version, version de travail. Sympa aussi, même si on préfère la version finale. Mais oui, d'accord. I hate you, Catalan's Wonsight. Is lapin dans Alice au pays des merveilles. Je suis en retard. Je vous laisse en compagnie du meilleur, on l'appelle dans le métier. C'est Eric Gallo pour son émission Johnny de A à Z. À très bientôt, la semaine prochaine pour la suite des aventures. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'à 22h et à la prochaine. Salut. We'll be right back.